En Corée, le combinat de transformation fruitière Taedonggang vient d'aménager le nouveau processus original de séparation de l'arôme de pomme. Au bout de ses efforts dynamiques pour répondre à l'appel du Parti du Travail de Corée en faveur de la nationalisation des matières premières et des matériaux dans le secteur de l'industrie légère, le personnel du combinat a mis au point la nouvelle technique originale de séparation du parfum naturel qui permet de séparer l'arôme de pomme de façon plus sûre et efficace. Il a aussi aménagé le processus de séparation par ses propres forces, techniques et équipements. Tous les indices techniques et économiques sont au niveau mondial. Ces succès marquent une grande innovation dans le développement de la technique du parfum et l'adaptation de l'industrie alimentaire aux réalités du pays.